إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Na'am, donc on commence aujourd'hui la partie numéro 10 dans la lecture du livre du Cheikh Ubayd Al-Jabil, Hafizahullah, Mu'amalatu Al-Hadd Al-Fasil, Bayna Mu'amalati Ahl Al-Sunnah wa Ahl Al-Batil. Donc c'est un livre qui clarifie et qui explique la manière dont on doit agir et comment on doit traiter les gens de la Sunnah et les gens de la Bid'ah, les gens de la fausseté. Et donc, on est rendu maintenant à la question numéro 21. Hein, sur les 27 questions, on est rendu à la question 21. Et on va essayer de compléter aujourd'hui le livre et de lire les dernières questions qui restent, puisque certaines d'entre ces questions-là sont assez courtes. Donc, je crois qu'on va pouvoir le terminer aujourd'hui, Inch'Allah, et on pourra commencer par la suite, la semaine prochaine, un nouveau livre. Et j'ai pensé à une risala de Cheikh Ahmed Bazmoul, Hafizahullah. Donc, Inch'Allah, c'est encore sur le manhaj. Et c'est donc un livre très intéressant. Donc, je pense que la semaine prochaine, on pourra commencer ce nouveau livre, Inch'Allah. Donc, on commence. Bismillah. السؤال الثاني والعشرون جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول إذا صدرت بعض الأخطاء المنهجية من داعية هب بعض الشباب إلى الاتصال بالعلماء حول هذا الداعية وعرض أخطائه فيجيب العلماء بما فتح الله عليهم فربما يحذرون منه لكن سرعان ما يقوم أكثر طلبة العلم على هؤلاء الشباب وينكرون عليهم وربما قالوا لهم لستم أهلا لأن تتصلوا بالعلماء إنما طلبة العلم هم الذين يتصلون. Donc la question c'est la suivante, ça dit lorsqu'il y a certaines erreurs dans le manhaj qui sont commises de la part d'un prêcheur, d'un da'ya, quelqu'un qui appelle à Allah. Certains jeunes veulent contacter les ulama au sujet de ce prêcheur et présenter à ces ulama les erreurs que ce prêcheur a commises ou a commis. Donc, les ulama répondront parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme réponse à ce moment-là et il est possible qu'ils vont mettre en garde contre lui. Mais il y a des gens, la plupart des jeunes, parmi les talabat al-ilm qui vont par la suite rapidement se lever contre ces jeunes-là. Il y a des talabat al-ilm qui vont se lever contre ces jeunes-là et vont les critiquer d'avoir contacté les ulama en leur disant vous n'êtes pas apte à contacter les ulama, c'est uniquement les étudiants en sciences hein, les étudiants, les tulab al-ilm, qui sont capables de, ou qui peuvent contacter les ulama. Donc ils blâment les gens qui ont contacté, ou les, ils blâment les jeunes qui ont contacté les ulama pour se renseigner au sujet du prêcheur en question qui a commis des erreurs. Donc Cheikh Ubayd, il répond à propos de cette question-là, et il dit « ذكرت لكم في جلسة البارحة أو في جلسة سابقة أن الداعية الذي هو على السنة فإنه ينبغي أن يناصح ويعرض عليه خطأه فقد يكون عنده دليل خفي عليك أنت وقد يكون حصل عنده ذهول وقد يكون اجتهد فأخطأ فإذا نوصح هذا نفع وانتفع بحول الله تعالى إن كان صاحب سنة. Donc le cheikh, il dit, je vous ai rappelé, ou je vous ai mentionné la nuit passée, ou dans l'assise précédente, que le prêcheur qui est sur la sunna, il faut lui faire la nasiha. Il faut lui faire la nasiha et lui présenter à lui ses erreurs. C'est-à-dire, on lui présente ses erreurs qu'il a commises, les erreurs qu'il a commises. Et il dit, c'est possible que ce prêcheur possède une preuve qui vous a échappé. Hein? C'est possible que ce prêcheur possède une preuve par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, que vous, vous avez pensé que c'était une erreur, mais c'est parce que vous ne connaissez pas sa preuve, la preuve que lui, il avait. خَفِيَ عَلَيْكَ أَنْتَ عِنْدَهُ دَلِيلٌ خَفِيَ عَلَيْكَ أَنْتَ. Donc ça veut dire, il a un dalil qui t'a échappé à toi, mais tu l'as pas, tu le connaissais pas. وَقَدْ يَكُونْ حَصَلَ عِنْدَهُ ذُهُولٌ. C'est-à-dire, c'est possible que il a eu une oubli, il a eu une oubli à ce moment-là et qu'il s'est trompé. Et c'est possible également qu'il ait fait un effort de jugement, un ijtihad, et qu'il se soit trompé dans son ijtihad. Donc, si c'est quelqu'un qui est sur la sunna et que il a fait une erreur ou qu'il s'est trompé dans quelque chose et que tu lui rappelles son erreur, eh bien, il va profiter et il va faire profiter les autres par cela. Donc, tu commences par le contacter lui-même. Si c'est quelqu'un qui est sur la sunna, par la permission d'Allah, par la puissance d'Allah, eh bien, il va profiter de ce rappel. Il dit ensuite, وَأُعِيدُ هُنَا مَا قُلْتُهُ فِي مَا سَبَقَ. Il dit, je vais répéter maintenant ce que j'ai déjà dit précédemment. Donc là, le cheikh, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résumer les principes et les règles qu'il a expliquées dans une des réponses du début du livre, dans les premiers cours. Je pense que c'est la première ou la deuxième question. Et il dit « Al-umur allati hadathat fiha akhta minha ma la yasughu fihi l'ijtihad fi usul al-din wa hadha la yasughu fiha l'ijtihad thumma allati akhta hal huwa min ahli sunnah al-ma'rufina indana bis sunnah aw min ammatin nas la budda an yura'a hadha wa hadha. فإن كان من أهل السنة فإنه إذا انتصح ينتصح ترده السنة بحول الله تعالى. Donc le cheikh il explique, il dit les choses dans lesquelles quelqu'un fait une erreur, soit que ça fait partie des choses dans lesquelles il est permis de faire une ijtihad, ou soit que ça fait partie des choses dans lesquelles on ne peut pas faire l'ijtihad. Comme par exemple, des questions qui ont rapport avec les fondements de la religion, la aqida, et le manhaj, et ainsi de suite. Les choses qui sont basées sur des dalils qui sont claires et explicites. Ça, c'est des choses dans lesquelles on n'a pas le droit de faire l'ijtihad. Puis, celui qui fait l'erreur sur la question, est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna? Ou est-ce qu'il fait partie des gens qui sont parmi les gens de la bid'a ou parmi les gens du commun? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna et qui est connu chez nous comme étant un sunni et un salafi, ou bien il fait partie des gens du commun? Des fois, les gens ne font pas la différence entre ces différents cas-là, ces différents types de personnes. Donc, ils ramènent une personne qui est inconnue, c'est-à-dire que personne ne connaît comme étant salafi. C'est-à-dire que ni les ulama ne le connaissent comme étant un salafi, ni les salafis ne le connaissent comme étant un salafi, et il ne s'est jamais revendiqué lui-même comme étant salafi, et il n'appelle pas les gens à suivre les ulama salafiyin, même que parfois il appelle à suivre les gens qui sont clairement sur la bid'a et sur la hizbiyya, et ils viennent et ils disent, est-ce que tu as des paroles des ulama au sujet de cette personne? Yani, cette personne, déjà à la base, elle n'est même pas connue comme étant salafi, comme étant sur la sunna. Donc, pourquoi tu as besoin, dans ce cas-là, des détails, des paroles de ulama sur cette personne? Puisque cette personne n'a aucun lien, déjà à la base, en partant, avec la sunna et avec la salafiyya. Hein? Donc, des fois, on a ces remarques ou ces questions de la part de certaines personnes, hein, qui sont clairement des hizbiyyines et qui sont connus comme étant des hizbiyyines. Et ce n'est pas au sujet de ces personnes-là qu'on a besoin de poser les questions pour savoir si on doit les écouter ou non. Parce que ces gens-là, c'est déjà des gens connus comme étant des gens qui opposent la salafiyya, des gens, ou bien des gens qui n'ont rien à voir avec la salafiyya. Même si, parfois, ils peuvent faire des prêches ou des rappels sur des sujets qui sont intéressants parfois pour certains jeunes, hein, et ils attirent les jeunes par ces sujets-là. Mais la réalité, par la suite, c'est qu'ils ne parlent pas de aqidah, ils ne parlent pas du manhaj, et ils n'enseignent pas aux gens le tawhid, hein, et le danger du shirk, et ils ne mettent pas en garde contre les bid'ah et contre les différents innovateurs. Hein, ils ne parlent pas contre les gens de l'égarement. Donc, ce sont des gens eux-mêmes qui sont dans la bid'a et dans les hizbiyya en partant. Donc, pourquoi perdre du temps à chercher, à poser des questions sur leur sujet, puisque leur sujet est déjà clair? Hein, donc, le cheikh ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, est-ce que ce sont des personnes qui sont sur la sunna et connues comme étant sur la sunna? C'est-à-dire des gens qui sont connus, qui sont salafis, qui se disent et qui se revendiquent salafiyines et qui sont connus comme état des salafis, par les ulama salafines et par les salafis, hein, est-ce que c'est ce type de personnes-là, ou bien c'est des gens qui font partie du commun des gens, hein, ou bien encore pire si ça fait partie des gens de bid'a clairs, connus, hein, sur la bid'a. Donc ça, il faut prendre ça en considération, c'est très très important. Et le cheikh dit ensuite, s'il fait partie des gens de la sunna, là on lui donne la nasiha. S'il fait partie des gens de la sunna, on lui donne la nasiha et il va prendre cette nasiha et il va revenir. Hein? Il va revenir à cause de la sunna à laquelle il s'accroche. Hein? Parce qu'il s'accroche à la sunna, donc le fait qu'il s'accroche à la sunna, il va réaliser son erreur et il va revenir de lui-même, hein? Par la permission d'Allah. Mais il dit, « Wa in kana min ahli al-ahwa, fala karamata lah. » Hein? Et là, le cheikh, il l'explique clairement. Il dit, mais s'il fait partie des gens de la passion, alors dans ce cas-là, aucun respect pour lui et aucune pitié pour lui. Hein? Très important de comprendre ça. Hein? Il dit, وَقَدْ تَكُونُ الْأَخْطَاءُ حَدَثَتْ فِي أَمْرٍ يَسُوغُ فِيهِ الْإِجْتِهَادِ فَإِذَا أَنْتَ إِذَا سُئِلْتَ فَهَذَا أَنْتَ إِذَا سُئِلْتَ قُلْ أَنَا أَرَى كَذَا ودلل على ما ترى وإذا سئل الطرف الآخر يقول أنا أرى كذا ويدلل ولا يثرب أحد على أحد في هذا ولا يثرب أحد على أحد في هذا وعلى سبيل المثال نحن نرى حتى الساعة أن تارك الصلاة متهاونا كافر وندلل ولله الحمد بما عرفه علماؤنا كما عرفه علماؤنا من قبل من السنة وآخرون يقولون لا هو فاسق فأنا أجتهد في التدليل على ما أراه لأنه دين أدين الله به وأرى الحق خلافه وذاك الطرف يدلل على ما يراه لأنه دين ويدين الله به لكني لا أثرب لا أسرب عليه ما دام عنده من الأدلة ما يسند مذهبه وأصوله التي مشى عليها وهي أدلة صحيحة فأنا لا أسرب عليه. Donc le cheikh il dit, mais si les erreurs font partie des choses dans lesquelles il est permis de faire des ijtihad et d'utiliser son jugement et de faire des analogies ou d'essayer de faire des efforts pour comprendre les adillah, pour les interpréter d'une façon claire selon les principes de la sunna, hein, mais que c'est possible qu'il y ait des divergences de compréhension, hein, d'ijtihad dans ces questions-là, dans ce cas-là, hein, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, c'est pas un problème qu'il y ait divergence d'opinion ou des différences d'opinion sur ces questions-là. Il donne l'exemple, le cheikh, il dit par exemple, moi, j'ai telle position et je donne les preuves au sujet de la position que j'ai sur la question. Et l'autre position ou l'autre partie, eux ont aussi une position et ils disent ma position c'est telle et telle, et ils ramènent les preuves pour supporter sa position aussi. Donc il dit, le cheikh, il n'y a pas de blâme ni pour l'un ni pour l'autre dans ce genre de situation là parce que c'est des questions dans lesquelles on est permis de faire des ijtihad, ou bien que il y a des divergences entre les ulama dans la façon de comprendre les preuves, et que c'est basé sur des bases et des principes de la sunna. C'est pas basé sur des passions, et c'est pas basé sur des bid'ah ou des shubuhat. Non, c'est basé sur des preuves claires établies sur des hadiths et des versets de Coran, et ce sont des imams de la sunna qui ont eu ces positions-là. Donc, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Le cheikh, il donne un exemple plus concret. Il dit, « وَعَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ » Il dit, comme exemple, nous, par exemple, en parlant de lui-même, ainsi que les ulama d'Ahl al-Sunna qui sont en Arabie Saoudite, la majorité d'entre eux considèrent, jusqu'à aujourd'hui, que la salat, celui qui l'abandonne par négligence ou par paresse, qu'il est kafir. Et il ramène à ce sujet-là des preuves, par la grâce d'Allah, qui ont été rapportés par des ulama auparavant, parmi des gens de la sunna. Tandis qu'il y a d'autres savants qui disent non. Hein, celui qui abandonne la salat par négligence ou par paresse, eh bien, tant qu'il reconnaît son obligation, il est fasiq, c'est-à-dire qu'il est pécheur. Hein, et moi, je fais l'ijtihad pour ramener les preuves selon ce que je conçois moi-même, selon ma position. Et ça, c'est la religion c'est la position que je considère comme étant une religion, hein, comme faisant partie de ma foi et de ma religion, pour laquelle je vais rencontrer Allah au jour de la résurrection, et je vais être jugé pour cette position-là. Donc ça, c'est qu'est-ce que je crois, et je considère que c'est la vérité, et que ce qui l'oppose est faux. Toutefois, l'autre partie, ou l'autre position, eux aussi ont des preuves pour supporter leur point de vue sur cette question-là, et ils l'apprennent aussi, eux aussi, comme étant leur religion avec laquelle ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, et ils sont convaincus de cette position-là aussi, et ils ont des preuves pour supporter cette position-là. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas les blâmer, hein, du moment qu'ils ont des preuves sur lesquels ils ont supporté leur position, et ils ont des fondements sur lesquels ils ont marché, et leurs arguments et leurs preuves sont des preuves qui sont authentiques et exactes et correctes, et donc il n'y a pas de blâme pour eux dans ce genre de divergence là. Il dit wa baqiya as-sami' in kana min ahli al-ijtihad yanzur ولا يجوز له أن يأخذ بقولي أو بقول الطرف الآخر هكذا مجردا ينظر إلى إن كان من أهل الاجتهاد فينظر ويستفرغ وسعه وسوف يترجح عنده شيء إما هذا أو هذا. Donc il dit, il reste la personne qui écoute, hein, la personne qui écoute les divergences entre les ulama, Donc, si la personne qui écoute à propos de cette divergence-là fait elle-même partie des gens de l'ijtihad et qui sont capables d'analyser et d'observer les preuves, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour cette personne de prendre ma parole ou la parole de l'autre partie de cette façon comme ça, comme de choisir au hasard, non. Il faut que la personne qui fait partie des gens de l'ijtihad observe et analyse et fasse son possible pour arriver à connaître les preuves et à trouver la vérité parmi une de ces deux positions-là, et elle va choisir à la fin la position qu'elle considère être plus près de la vérité, soit celle-ci ou l'autre. Hein? Elle ne peut pas suivre aveuglément si elle fait partie des gens de l'ijtihad. Il dit « Wa thammata amrun akhar adraknahu fil haqiqa min kathirin min annas wa huwa al-naql fa'innahu laysa kullu naqilin yuhsinu al-naql wa lihada aqul yajibu al-ihtiyat » يعني والله صرنا نخاف ونحتاط فنجيب إجابات عامة نؤصل ما نعلمه من الأصول ونقعد ما نعلمه من القواعد متوخين ما تبرئ به الذمة ويصلح به الحال إن شاء الله. Donc le cheikh il dit, et il y a une autre chose aussi qu'on a constaté, qu'on a vu en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et on a constaté ça chez beaucoup de personnes ou de la part de beaucoup de gens, c'est la transmission, hein, la transmission ou le rapport des informations. Parce que le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas transmettre correctement une information ou une parole. C'est-à-dire que quand ils vont rapporter une parole à quelqu'un, à un savant ou à un cheikh, ou bien ils vont transmettre une parole ou une citation à un cheikh ou à quelqu'un, quand ils posent la question, ils ne transmettent pas ou ils ne vont pas redire la parole de la personne de façon exact, de façon honnête. Donc, par exemple, ils vont appeler un cheikh pour poser la question à propos de quelqu'un qui a fait une erreur, mais ils vont paraphraser qu'est-ce que la personne a dit à leur façon, en ajoutant ou en enlevant des choses, et ou bien ils vont mettre la parole de la personne en question dans un autre contexte, qui vont faire paraître la personne comme si la personne avait dit quelque chose qui était différent de ce qu'elle a dit vraiment. Donc, le cheikh il a dit qu'il a constaté que certaines personnes ou que beaucoup de personnes ne sont pas fiables dans la façon comment ils transmettent ou comment ils rapportent les personnes. Et le cheikh il dit, et c'est pour cette raison qu'il est obligatoire de faire preuve de précaution, hein? Et il dit, et je jure par Allah que on est rendu à un point que on a peur maintenant. On a peur et on prend beaucoup de précautions et on répond par des réponses générales et on ramène les questions au fondement qu'on connaît et on établit des règles selon les règles qui sont établies dans le but de dans le but de remplir notre devoir et notre obligation pour essayer de réformer la situation, hein, en voulant dire, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh d'après ce que je comprends ici, c'est que étant donné que les gens ils transmettent les propos des autres de manière qui n'est pas toujours exacte ou correcte, eh bien, le cheikh, à cause de ça, il répond par des réponses plus générales. Il ne va pas répondre de façon directe par rapport à la situation précise, justement pour éviter de faire du tort ou de l'injustice, par exemple, à quelqu'un. Donc, ils vont répondre par des règles. et par des principes pour que les gens retournent à ces règles et ces principes-là pour éviter justement les imprécisions puis les problèmes du fait que certaines personnes ne sont pas méticuleuses dans la transmission des informations. Après, le cheikh il dit وَيَجِبُ أَن تَعْلَمُوا وَقَدْ أَسْلَفْتُهُ أَنَّ مُرَعَاتَ الْحَالِ وَمُرَعَاتَ الزَّمَانِ وَمُرَعَاتَ الْأَشْخَاصِ أُمُورٌ لَا بُدَّ مِنْهَا فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْمُخْطِئُ عَلَى عَلَمٍ فِي السُّنَّةِ وَالذَّبِّ عَنْهَا فَمَا الَّذِي يَمْنَعُكَ أَن تَجْلِسَ إِلَيْهِ وَتَتَأَدَّبْ مَعَهُ وَتَسْأَلُهُ سُؤَالٌ بِمِثْلِ يَا شَيْخ فُلَان أَنَا يعني أنا نما إلى سمعي أنك قررت كذا وكذا فلا أدري لعلي أكون مخطئا لعلي ذهلت فقد يقول لك لا أنا ذكرت كذا وكذا ولكنك أنت ذهلت فتجد من من لو سألت من حولك من حولك لو سألت من حولك أو من حولك يقولون لك نعم أنت حصل منك ذهول وقد يقول هذا الشيخ عجيب أنا قررت كذا فتقول نعم يا شيخ قررت كذا واستدللت بكذا والذي سمعناه من أهل العلم والفضل أمثالكم بارك الله فيكم هو كذا وكذا وهذا وهذا التمجيد لمن للسني العالم السني. Donc le cheikh il explique comment on doit gérer la question et régler les problèmes comme ça avec les ulama de la sunna et les personnes qui sont à propos des gens qui sont sur la sunna. Donc il dit vous savez il dit il est obligatoire de savoir comme je l'ai dit précédemment qu'il faut prendre en considération l'état l'état des gens, l'état des lieux, l'état des personnes, prendre en considération l'époque, prendre en considération les gens, les individus. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire et obligatoire. Donc, le cheikh, il dit, il est possible que la personne qui ait commis l'erreur, que ce soit un savant parmi les savants de la sunna, qui défend la sunna. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'asseoir avec cet imam ou ce cheikh, et de lui parler avec respect et avec un bon comportement et des bonnes manières et de lui poser la question en lui disant, et là le cheikh il nous donne l'exemple, comment on parle avec les ulama, comment on parle avec les chouyours pour les corriger si on veut les corriger lorsqu'ils ont commis une erreur ou lorsqu'on pense qu'ils ont commis une erreur, on lui dit j'ai entendu que vous avez mentionné ou affirmé telle ou telle chose. Et tu lui dis, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai commis une erreur, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais vous avez dit telle ou telle chose. Alors, ce cheikh, il va vous répondre et il va vous dire, non, je n'ai pas dit cette chose-là de cette façon, mais tu t'es trompé ou tu as mal compris. Tu as mal compris ce que j'avais dit. Et là, tu vas voir que si tu demandes aux gens qui sont autour de toi, ils vont dire, ils vont te dire, oui, tu t'es trompé. Les gens qui sont autour vont dire, oui, effectivement, tu t'es trompé. Le cheikh, il n'avait pas dit ça. Ou bien, parfois, c'est possible que le cheikh va dire que Ajib, c'est étonnant. Moi, j'ai dit ça comme si le chef, il a fait une erreur et il n'avait pas réalisé qu'il avait dit une parole qui est incorrecte. Alors, le chef lui-même, il s'étonne lorsqu'on lui rapporte ses propos et il lui dit, avec étonnement, moi j'ai dit ça. Donc, après, tu dis au chef, oui, vous avez affirmé cette chose et vous avez mentionné comme preuve à son sujet telle ou telle chose. Et le cheikh, il dit, ce que nous avons entendu de la part des... Tu lui dis par la suite, et ce que nous avons entendu de la part des hommes de science et de mérite comme vous, hein, que Allah vous fasse miséricorde, que Allah vous bénisse, c'est telle et telle chose. Donc, le cheikh dit, ce respect, hein, et cette révérence, ce respect qu'on donne dans notre façon de parler, dans notre façon de corriger l'erreur du savant en question, c'est le savant qui est sur la sunna. Le savant qui est sunni, hein, on lui parle avec respect, avec adab, hein. C'est-à-dire, tu vas pas le corriger comme tu corriges n'importe qui. Tu vas le corriger comme tu corrigerais ton grand-père lorsqu'il a fait une erreur, ou ton père lorsqu'il a commis une faute, quand il a fait quelque chose, il a dit quelque chose incorrect. Tu vas pas le corriger ou lui parler comme tu parles avec un inconnu dans la rue, ou même pas un inconnu, Yannick, une personne qui est connue comme étant un voyou parfois dans la rue. Tu t'adresses pas avec lui de n'importe quelle manière. Tu lui parles avec le plus grand respect. Et tu le corriges avec encore plus de respect, encore plus d'humilité. Hein? Dans le sens que tu es plus jeune que le cheikh, tu es ignorant devant le cheikh, hein? Et tu veux profiter de la science de ce cheikh. Donc tu montres à ce cheikh beaucoup d'humilité et beaucoup de respect en le corrigeant justement pour être certain que yani, le cheikh il va pas être ou sentir que tu essaies de le dénigrer, ou que tu essaies de le rabaisser, ou que tu essaies de compétitionner avec lui, de lui montrer ton intelligence, ou de vouloir essayer de paraître plus savant que lui, ou des choses de ce genre, comme c'est le cas de certains parmi les jeunes parfois, qui n'ont pas de sagesse et qui n'ont pas de compréhension de la science et de la religion. Donc ils agissent avec les ulama sans aucun respect, hein, et parfois même comme des voyous. Et ça, on retrouve surtout avec les haddadiyya, hein, les nouveaux là qui sont apparus maintenant avec le manhaj des haddadiyya. Ils n'ont aucun respect pour les ulama, peu importe leur âge, peu importe leur mérite, peu importe leur science, hein, ils parlent avec eux sans aucun respect. Donc ça, c'est incorrect. Toutefois, le cheikh dit après, « وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَوَىٰ أَنْتَ أَصْلًا فِي غِنًا عَنْ مُجَالَسَتِهِ وَالْأَخْذِ عَنْهُ فَاحْتَاطُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فِي النَّقْلِ » Donc le cheikh, il dit, mais si c'est quelqu'un qui est sur la passion, parmi les gens de bid'a, il dit, déjà à la base, tu te passes complètement de t'asseoir avec lui et de prendre de lui. Donc tu prends même pas de lui et tu l'écoutes même pas, à la base. Et ça, c'est ce que je disais au début, hein, par rapport au fait que certains, parfois, ils ramènent des individus qui sont inconnus, qui sont pas connus comme étant salafi ou comme étant sur la sunna, qui ne rappellent jamais aux gens qui sont les ulama salafiyyin, et ils ne ramènent pas les gens vers les ulama de la salafiyya, et ils prêchent même parfois des bid'a ouvertement. Ils s'associent ouvertement avec les mubtadi'a et les hezbiyyin, et parfois tu les vois ils participent à des colloques et à des conventions et à des séminaires et organisés et établis par des hezbiyyin, et après tu les vois par la suite, ils viennent te voir et ils te demandent, ya akhi, est-ce que les savants ont parlé à propos de cette personne, ou est-ce que les ulama ont fait une mise en garde contre un tel et un tel. Subhanallah. Alors que c'est même pas des gens sur la sunna en partant. Si par exemple c'est des gens qui sont connus comme étant sur la sunna et sur la salafiyya, et qui appellent à la salafiyya, ils sont connus des ulama, connus des salafiyyins, et que par la suite ils ont commis des fautes et des erreurs, et que là tu te renseignes à leur sujet, ça c'est une chose. Mais des gens qui sont déjà clairement sur la bid'a, alors pourquoi même se casser la tête avec ça? Déjà la question est déjà claire, hein? Déjà ils nous ont c'est comme s'ils nous ont épargné déjà de nous fatiguer avec eux, hein? Par exemple, je sais pas moi, un soufi qui donne des conférences sur YouTube, qui enregistre ses vidéos, qui met ça sur YouTube. Déjà à la base, tu sais que le gars est un soufi, Ash'ari, Mubtadi', dal, mudil, il s'assoit avec les hizbiyin, il défend les gens de bid'a et il critique les salafiyin et les gens de la sunna. Ça, c'est un exemple. Après, tu viens, tu me demandes, est-ce que les savants ont mis en garde contre lui? Est-ce que tu as besoin de savoir que les savants ont mis en garde contre lui alors que tu vois déjà qu'il est dans l'égarement? Subhanallah. Des fois, c'est des choses, on se demande des fois, pourquoi les gens, ils n'utilisent pas le bon sens, hein? Le bon sens, c'est clair. Ces questions-là, c'est déjà clair en partant. Comme par exemple, quel autre exemple, Yannick? Je sais pas moi. Il y a plein d'exemples de ce genre de prêcheurs-là qui sont maintenant de plus en plus courants. On les voit de plus en plus sur Internet. Ces gens-là, ils ne représentent même pas une choubha pour les musulmans, pour les salafis. Mais le problème, c'est ceux qui ramènent les noms des ulamas salafiyin, qui disent salafiya et salafi, et qui prétendent être sur la sunna, et qui appellent au livre des gens de la sunna, et qui parlent des principes d'Ahl sunna, hein, et qui se réfèrent aux ulama d'Ahl sunna, et ainsi de suite, puis qui mélangent les gens avec des fausses règles, et avec des faux principes, et qui se mettent au-dessus des ulama parfois, oui, qui ont plein de shubuhat, qui mélangent les gens, et qui les avertissent contre les gens de la sunna et contre les prêcheurs. Oui, ceux-là, ça peut être confondant et faire de la confusion pour certains, mais ceux qui sont inconnus ou sur la bid'a, déjà en partant, on ne doit pas prendre des personnes qui sont inconnues. Donc ça doit déjà être clair. Ensuite, le cheikh, il dit, et faites attention et soyez vigilants et prenez des précautions par rapport à la transmission. Et lorsque vous rapportez les paroles des gens, essayez d'être exact dans votre façon de la retransmettre ou de la dire aux gens. فإذا هذا العالم هذا العالم أو الداعية السني ما استجاب لك فقل له يا شيخ ما رأيك في نقل هذه القضية إلى فلان أو من ترضاه لأن المقصود الحق فإن كان الحق معي يا شيخ ترجع أنت إن شاء الله وإن كان الحق معك فأرجع فسوف ينتهي الأمر إلى ما يرضي الجميع من قول الحق. Donc le cheikh il dit, et si ce savant ou ce prêcheur qui est sur la sunna, il te répond pas, alors tu lui dis, ô cheikh, quel est ton point de vue ou quelle est ton opinion sur le fait de renvoyer ce sujet ou cette question à un tel d'entre les hommes de science ou à quelqu'un dont tu es satisfait, que tu agrées. Parce que le but et l'objectif, c'est d'atteindre la vérité. Donc si le but, ou si la vérité, elle est avec moi, oh cher, dans ce cas-là, tu vas revenir, Inch'Allah, la vérité. Toutefois, si la vérité est avec toi, eh bien c'est moi, dans ce cas-là, qui reviens. Et c'est ainsi que l'affaire va se terminer par ce qui satisfait tout le monde, Inch'Allah, sur la parole de la vérité. Donc c'est de cette façon-là que on doit régler ces problèmes par rapport aux hommes de science qui sont sur la sunna lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises. Donc ici on a une réponse de Cheikh Ubaid qui nous explique et qui nous clarifie la situation très très clairement et simplement. Et donc on doit essayer de prendre ça en considération et de régler les problèmes de ce genre de cette façon, Inch'Allah. Ensuite, la question numéro 23. On était à la question, j'avais dit 21, mais finalement, je me suis trompé, c'est la question 22. Et là, on est à la question 23. Jazakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum. Hada sa'ilun yas'al wa yaqul shaykhuna ta'rifun ou shaykhuna ta'rifuna wa tarawuna ما آلت إليه البلاد الإسلامية من فتن ومشاكل خاصة في الأماكن الداخلية يعني المدن والولايات فهل هذا فهل هذا هو الوقت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم الأفضل للرجل قطيع غنم يتبع به أقاصي الجبال ويرعى غنمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهل يفهم من هذا جواز أو مشروعية السكن في البوادي ورعي الغنم وخدمة الأرض والاستراحة من شرور الأماكن المعمورة بالناس مع العلم أن الجهل يكثر في هذه البوادي أفيدونا جزاكم الله خيرا. Donc le cheikh, on lui a posé la question au sujet de ce qui se passe dans les différents pays musulmans, dans les grandes villes de différentes fitanes qui se passent. Et il demande au sujet du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne que le mieux pour l'homme, c'est de prendre des moutons, puis de s'en aller vers les montagnes et de pâtre ses moutons. De devenir un berger, puis de s'en aller dans les montagnes avec son troupeau pour s'écarter de la fitna, de qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes. Est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith qu'il est permis ou légiféré d'habiter dans les endroits déserts et de se consacrer aux moutons et à travailler la terre et à se reposer des maux qui existent dans les grandes villes où il y a beaucoup d'habitants, tout en sachant que l'ignorance est grande et propagée dans ces endroits déserts-là, dans ces campagnes, dans les montagnes. Donc, donnez-nous un conseil à ce sujet-là, qu'Allah vous récompense en mieux. Le cheikh, il répond à ce sujet-là et il dit « الذي ظهر لي وأظن أن علماءنا لا يخالفوننا فيه أن الخير في هذه الأمة كثير ولله الحمد فما من قدر من الأقطار الإسلامية إلا وفيه علماء وفضلاء يحسن بل يجب أن يتخذوا قدوة لما أصابوا من السنة وأرى أنه تجب ملازمتهم والارتباط بهم فبهم تقوى السواعد ويشتد الأزر وتعلو الهمة وما أراه قد حان الوقت الذي تضمنه الحديث حتى إن كان وجد في ولاية وهذا على سبيل الفرض والتقدير ما سألت عنه في ولاية ما سألت عنه فإنه ثمة ولايات يكون فيها ولله الحمد الخير وأهله متوافرين الخير موجود وأهل الخير موجودين ولن تخلو أرض الله ولن تخلو أرض الله ولن تخلو أرض الله من طائفة تقوم بهم الحجة على الخلق ولكن يجب علينا نحن أن نفتش عن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى والذين هم على السنة فننضم إليهم ونستأنس بهم ونأخذ عنهم. Donc ça c'est la question numéro 23. On a posé la question au cheikh, donc on a lu la question déjà. La réponse du cheikh à ce sujet-là, est-ce qu'on doit s'en aller dans les montagnes ou dans le désert, puis s'occuper juste de nos moutons, puis de s'écarter des fitna de la fitna de la ville. Et le cheikh, il dit ce qui est apparent, ou ce qui m'apparaît comme réponse par rapport à ça, et je pense que nos ulama ne sont pas en contradiction avec cela, c'est que le bien dans cette umma, il est grand. Il y a beaucoup de bien dans cette umma, par la grâce d'Allah, et il n'y a pas un pays d'entre les pays musulmans, excepté qu'il y a dedans des ulama et des gens de bien, des gens de mérite. Et il dit que c'est bien et même que c'est obligatoire de les prendre comme modèle. Hein? Et pourquoi? Parce qu'ils ont, pour ce qu'ils ont de rapport avec la sunna, du fait qu'ils ont réussi à suivre la sunna, ou bien parce que donc ils ont été, ils se sont accrochés à la sunna. Donc il dit, je vois que c'est obligatoire de rester avec eux et de s'attacher à eux, parce que c'est ainsi que c'est ainsi qu'on sera plus fort, hein, et qu'on sera plus serré, plus fort ensemble, et que on aura plus de motivation à faire le bien, et ainsi de suite. Il dit, et je considère que le temps qui est mentionné dans le hadith, l'époque où on devra, où on sera conseillé de s'en aller dans les endroits déserts avec nos moutons pour s'écarter des problèmes, eh bien, cette époque-là, il dit que c'est pas encore arrivé. C'est pas encore cette époque. Puisque il y a encore, même si, par exemple, dans certaines villes, hein, et ça, il dit, c'est juste une supposition, juste une hypothétiquement, que si dans un endroit la situation était devenue aussi grave que la situation dans laquelle tu, au sujet de laquelle tu as posé la question, il faut savoir qu'il y a d'autres villes, d'autres endroits parmi les différentes villes des pays musulmans, par la grâce d'Allah, où il y a encore du bien. Donc même si dans une ville il y a du mal, beaucoup beaucoup de mal, mais il y a quand même d'autres villes encore où il y a du bien, oui, et où il y a des gens du bien, et où tu peux trouver des gens qui sont sur le bien. Donc il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un endroit sur terre, excepté que il y a des gens dedans qui sont sur la vérité, sont sur le bien, et avec qui tu pourras rester pour que la preuve d'Allah soit établie sur la création. Il dit, mais il est obligatoire pour nous de les chercher, les gens du bien, et les gens de science, et les gens de mérite, et les gens de la piété, et les gens de la réforme, et les gens, ceux qui sont sur la sunna. Donc il faut les chercher. C'est pas que tu dis, ah, il n'y a personne, il n'y a rien. Il y en a souvent, c'est ça qui arrive. Les gens, ils sont dans un pays ou dans une ville, et ils sont dans leur petit environnement, dans leur petit entourage, et ils disent, ah, les gens sont mauvais, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, et ils cherchent pas à savoir ou à connaître ou à se renseigner pour savoir où sont les gens du bien, où sont les gens qui ont de la science, où sont les tulab al-ilm, et ainsi de suite. Donc le cheikh, il dit, il faut les chercher. Une fois que tu les as trouvés, il faut te réunir avec eux, te joindre à eux, et te sentir, rester avec eux pour te sentir bien, puis pour pouvoir prendre la science d'eux. Donc ça, c'est la question numéro 23. La question numéro 24, attendez juste un instant. Oui, la question numéro 24. هذا سائل آخر هذا سؤال آخر يقول يا شيخ حفظك الله يكثر عندنا في منطقتنا الإخوان المسلمون بحيث تجدهم يجتمعون في أماكن ويتكلمون في مسائل السياسة ويبغضون دولة التوحيد السعودية ويستهزئون بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويأتون بشبهة يقولون بأن الفساد والفسق يكثر في السعودية خاصة وخاصة في الرياض باستثناء الحرمين فهل هذا الكلام صحيح وما موقفنا من هؤلاء الشباب. Donc ça, c'est une question qui a été posée au Cheikh Obeid, et c'est une question on l'entend souvent de la part des gens de Bid'a et des Hizbiyin, hein, et vous allez même vous allez le voir vous-même lorsque je vais traduire la question. Ils ont demandé au Cheikh, que Allah te préserve, il y a beaucoup de gens chez nous, parmi les gens des frères musulmans dans notre région, la secte des Ikhwan al-Muslimoun. Et tu les trouves dans notre région, ils sont nombreux et ils se réunissent dans des endroits et ils parlent des questions politiques et ils détestent le pays du Tawhid, l'Arabie Saoudite. Et ils se moquent de la da'wah de l'imam et du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et ils ramènent des shubuhat en disant, par exemple, qu'il y a beaucoup de perversité et de désordre, de corruption en Arabie Saoudite. Et en particulier, ils disent Ariad. Et ils excluent de ça les deux terres saintes, en voulant dire la Mecque et Médine. Est-ce que cette parole qu'ils disent est vraie? Est-ce que c'est correct? Et quelle est notre position vis-à-vis de ces jeunes? Quelle est notre position vis-à-vis de ces jeunes? Donc le cheikh, il répond à ça et il dit أنت قلت يا بن يا بني الإخوان المسلمون وهذه الجملة منك تنبه إلى أن ما ذكرته ضمن السؤال هو صادر عن هوى وعن بدع وعن شبه لا عن أهل سنة وسمعتم مني ومن غيري من المحققين القول الفصل في هذه الجماعة وأنها جماعة ضالة مضلة فهي ساقطة فهي ساقطة منحرفة ضالة مضلة ولا يقبل إلا شهادة العدل فالإخوان المسلمون ليسوا عدولا. Donc le cheikh il dit: oh mon fils, tu as dit les frères musulmans, et cette phrase de ta part doit t'indiquer que ce que tu as mentionné dans ta question vient ou est, est là comme origine la passion, les innovations, la bid'a, yani les bid'a, et les shubuhat, les doutes et les ambiguïtés. Elles n'ont pas comme origine les gens de la sunna. Et vous avez entendu de ma part, de même que d'autres que moi, parmi les vérificateurs qui ont parlé, au sujet de cette secte et de ce groupe, avec des paroles claires qui tranchent à leur sujet et qui clarifient que c'est une secte ou un groupe égaré et qui égare et qui est perdu, tombé complètement, qui est dévié et qui est égaré et qui égare les gens. Donc c'est un groupe d'égarement. Et donc on n'accepte aucun témoignage de ce genre de groupe et de ce genre de secte. Les frères musulmans ne sont pas des témoins valides pour quoi que ce soit dans les affaires de la religion ou de la dunya. C'est des gens d'égarement. Il dit أقول وسمت أمر آخر. Donc c'est-à-dire quand tu vas prendre des, par exemple des paroles, des propos de qu'est-ce que certaines personnes disent, tu dois prendre en considération de qui ces propos-là viennent. Et essayer de comprendre sur quoi ces propos-là sont motivés. Ces propos-là sont motivés par quoi? Est-ce que c'est motivé par le fait de vouloir le bien, par le fait de vouloir le bon conseil aux musulmans? Est-ce que c'est motivé par la sincérité envers Allah, dans le but de vouloir améliorer les choses et la situation, et d'aider les gens à revenir à la religion? Ou bien c'est motivé par la passion, par l'innovation, par la jalousie, par le fait justement de vouloir dénigrer les autres et les rabaisser, et non pas de vouloir le bien et la vérité et la sunna. Donc ça, c'est très très important à prendre en considération. Si par exemple, vous voyez par exemple des chrétiens, ou des juifs, ou des athées, ou des laïcs qui critiquent les musulmans et l'islam, vous savez que ça c'est motivé par le kufr, que c'est motivé par le shirk, qui est motivé par les égarements et tout, il y en a tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Et la même chose pour les gens de Bid'a par rapport aux gens de la Sunna. Quand ils critiquent les gens de la Sunna, c'est souvent motivé par ces choses-là. Et donc il faut faire attention et prendre les choses dans leur perspective. Et le cheikh il dit, et je dis, ثم أمر آخر لو سلمنا على سبيل الفرض والتقدير لما قالوه وأن السعودية كلها حكامها ومحكوموها فاسدون مفسدون فهل هذا يسوغ الخروج أو يصور الخروج النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع الأمر أهله أهله أن ينازع الأمر أهله أن ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Donc le cheikh il dit, donc il y a une autre chose qu'on peut dire, je dis à ce sujet-là, si on supposons que on leur accorde, hein, supposons hein, qu'on leur accorde que ce qu'ils disent est vrai à propos de l'Arabie Saoudite. Supposons, hein, hypothétiquement, que ce qu'ils disent, c'est la vérité à propos de l'Arabie Saoudite. Et que tous les gens de l'Arabie Saoudite, les dirigeants et le peuple saoudien, qu'ils sont tous corrompus, qu'ils sont tous mauvais. Supposons. Est-ce que ça justifie le fait d'appeler à se rebeller contre le dirigeant là-bas, à se révolter? Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de disputer l'autorité et le commandement à celui qui le détient, excepté si vous voyez un coffre qui est explicite et clair, au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah. Donc, ça c'est pour clarifier, pour faire savoir que tu ne peux pas, même si il y a des corruptions, ou il y a de l'injustice, ou il y a du mal, ou il y a des péchés, tu ne peux pas justifier la rébellion ou la révolte contre un dirigeant. Même s'il y a de l'injustice, même s'il y a de la corruption, même s'il y a de la pauvreté, même s'il y a, d'autres choses, il y en a dans la société qui sont mauvaises, c'est pas quelque chose qui justifie, la rébellion et la révolte contre le dirigeant. Mais le cheikh il dit ensuite, والمنصف المحق يرى أن ذلك القول من تلك الجماعة هي في غاية البطلان. فالبلد ولله الحمد بلد السنة بشهادة المنصفين فهو بلد التوحيد والسنة وأما الأخطاء والفساد فلا شك أنه ما من بلد إلا وفيه من ذلك ما فيه حتى المدينة فيها فساد فيها أناس مفسدون فيها تركة للصلاة وفيها شربة مسكر لكن لا يجوز الحكم على أهل المدينة عموما بأنهم كذلك ولا على أهل الرياض أو بريدة أو الرس أو عنيزة أو المنطقة الشرقية أو المنطقة أو منطقة حائل بأنهم على هذا النهج فهذا خطأ هذه مجازفات والمعرض لا يبالي بما يقول. Donc le cheikh il dit, la personne qui est juste et qui a raison, elle considère que la parole de ce genre de groupe est totalement faux. Parce que l'Arabie Saoudite, par la grâce d'Allah, est un pays qui est sur le tawhid et sur la sunna. Et ça, c'est par le témoignage des gens de l'honnêteté, de la justice, de la justesse. Il témoigne que c'est un pays qui est sur la sunna et sur le tawhid. Et il dit, les erreurs et le désordre ou la corruption qui existent, oui, ça c'est, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas un pays dans le monde, excepté qu'il y a dedans certains péchés, certaines corruptions, certains désordres. Hein? Même Al-Madina, même la ville de Médine, Al-Madina, il y a dedans de la corruption. Il y a des gens corrupteurs. Hein? Il y a dedans des gens qui abandonnent la salate, des gens qui vont boire de l'alcool. Hein? C'est possible. Mais est-ce qu'il est permis, à cause de ça, de juger de cette façon-là et d'accuser tous les habitants de Médine, de façon générale, à cause de ça, et de dire qu'ils sont tous comme ça? Non. Et la même chose pour les gens de Riyad, pour les gens de Bouraïda, pour les gens de Ras, et pour les gens de Unayza, et pour les gens de l'Est, de la province de l'Est. La même chose pour les gens de la province de Ha'il, et ainsi de suite. On ne peut pas dire à leur sujet qu'ils sont tous comme ça. Ça, c'est une erreur. Et ça fait partie des dépassements et des exagérations. Donc, on n'a pas le droit de dire ça. Et le cheikh, il dit, « وَالْمُغْرِضْ لَا يُبَالِي بِمَا يَقُولُ لِأَنَّهُ لَهُ هَدَفٌ لَا يُحَقِّقُهُ فِي زَعْمِهِ إِلَّا بِمِثْلِ هَذَا فَهُوَ يَجْمَعُ النَّاسِ حَوْلَهُ وَيَتَكَتَّلُ وَيُكَتِّلْهُمْ مَعَهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الشُّبَهِ لأنه يعلم أنه ما دام الناس مجتمعين على السنة وعلى المنهج الحق لن تقوم له قائمة فماذا يصنع يلقي مثل هذه الشبه التي وردت في السؤال تفريقا للكلمة يعني لكلمة المسلمين. Donc le cheikh il dit, mais la personne qui a un intérêt et qui veut atteindre un objectif, eh bien, elle ne tiendra pas compte de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, elle va tout faire pour arriver à son objectif et à son but et pour arriver à le réaliser. Et elle pense qu'elle ne pourra pas le réaliser, excepté en utilisant ce genre de choubouhat et ce genre de paroles. Et donc, le cheikh, il dit, ils veulent, les ikhwan, rassembler le plus de monde autour d'eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils rassemblent les gens en leur envoyant ce genre de choubouhat. Parce qu'ils savent que tant que les gens sont sur la sunna et qu'ils sont réunis sur la vérité, sur le manhaj de la vérité, qu'ils ne pourront rien faire. Ils pourront rien établir. Alors, qu'est-ce qu'ils font à la place? Il y en a pour essayer de contrer la da'wah de la sunna. Eh bien, ils jettent ce genre de choubouhat qui a été mentionné dans la question, dans le but de séparer la parole, c'est-à-dire la parole des musulmans. ومن آلات التفريق عندهم هو إغار الصدور على فئتين بما تأمن السبل وتجتمع الكلمة ويقام العدل وينصر المظلوم ويردع الظالم وتنصر السنة فوق ذلك. وهاتان الفئتان هما العلماء والحكام. Donc le cheikh il dit, il y a des moyens ou des instruments de division que ces gens-là utilisent, et parmi ces éléments-là, c'est de remplir les cœurs des gens de haine envers deux catégories de personnes, qui sont les deux catégories de personnes par lesquelles les musulmans peuvent unir leurs paroles et par lesquelles ils peuvent sécuriser leur chemin et leur route, et par lesquelles on peut établir la justice, défendre l'opprimé et redresser ou replacer l'injuste et défendre la sunna au-dessus de tout ça. Et ces deux catégories de personnes-là sont les ulama et les dirigeants. Donc eux, les ikhwan, c'est par ceux-là qu'ils commencent. C'est-à-dire ils attaquent ces deux catégories-là en premier. Ils attaquent les ulama et ils attaquent les dirigeants. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire du désordre sur la terre. Donc qu'est-ce que le cheikh ici a mentionné? Là, c'est très important. Et les ikhwan, ils n'ont respect pour aucun savant et aucun dirigeant, excepté ceux qui sont avec eux, et même parfois ceux qui sont avec eux, ils n'ont pas de respect pour eux aussi. Regardez par exemple les ikhwan, comment ils agissent envers même les savants de bid'a, c'est-à-dire que ceux que eux ils prennent comme référence, quand ils trouvent de la part de ces shuyukh des propos qui sont en contradiction ou en opposition avec leur position, ils vont les dénigrer et les rabaisser comme ils n'ont jamais rabaissé personne. C'est pour dire qu'en réalité, ils ont seulement du respect envers ceux qui sont d'accord avec eux et qui vont défendre leur position et leurs idées. Mais si un de leurs shurks, parmi les gens de bid'a, hein, parmi les soufis et parmi les asha'ira et parmi les hizbiyin, même entre eux, si un d'entre eux a une position qui est contraire, eh bien ils vont le descendre et ils vont le critiquer de la même manière qu'ils critiquent les ulama d'Ahl-Sunnah. Hein, c'est des choses que j'ai vues, même quand qu'est-ce qui s'est passé par exemple en Égypte dernièrement. Tu les vois par exemple parfois les Ikhwan, ils se réfèrent à des chouyours de l'Azhar parmi les soufiyins et parmi les Asha'ira. Puis pendant la fitna qu'il y avait en Égypte, quand certains d'entre ces chouyours-là ont parlé contre leur révolution et contre leur révolte, eh bien, alors qu'auparavant ils parlaient d'eux en bien, ils disaient du bien d'eux et ils se référaient à eux pour contrer la salafia et contrer la sunna, mais quand ces chouyours de bid'a ont parlé contre leur révolution, eh bien eux, ils les ont descendus, ils les ont insultés, ils les ont dénigrés, ils les ont ridiculisés, ils ont dit à leur sujet les pires paroles. Donc c'est pour dire que les Ikhwan n'ont aucun respect pour les ulama. Ensuite, le cheikh il dit dans la question numéro 25, question numéro 25, جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل أو الدراسة في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الجامعات المختلطة. كلمة مختلطة معروف معناها وهي المدارس التي تضم أو تضم أو تضم البنين والبنات فالاختلاط محرم وهذا الذي تقرر عندنا وقام عليه الدليل وعليه المحققون من علمائنا وليس لأحد حجة. ثم هو ما مردوده على السلوك. ثم هو ما مردوده على السلوك فتنة وفساد ولا ينجو منه إلا من نجاه الله وأذية. فالمسلم مأمور بأن يغض بصره والمسلمة وهذا لا يتحقق بالاختلاط أبدا. ولهذا فإن أصحاب التدين القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس ويتركونها، والتدريس فيها ما دامت مختلطة هو كذلك من الفتنة، فإن كثيرا من النسوة ولعله في بعض البلدان جمهور من تخرج سافرة متبرجة لا يبالي بحشمة، يعني فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبناءهم من هذه المدارس المختلطة. Donc le cheikh il dit on lui pose la question au sujet des écoles. Est-ce que c'est permis d'enseigner, de travailler, ou est-ce que c'est permis d'étudier dans des écoles primaires ou secondaires ou dans des universités mixtes, c'est-à-dire le cheikh il dit la parole mixte, c'est quelque chose qui est connu, on connaît la signification, c'est-à-dire dans des écoles dans lesquelles on met ensemble les garçons et les filles. Le cheikh il dit la mixité c'est haram, c'est quelque chose qui est interdit, et ça c'est qu'est-ce qui a été déclaré chez nous et confirmé chez nous, et la preuve de dans l'islam elle a été établie à ce sujet-là, et les vérificateurs parmi les ulama ont confirmé cela, et personne n'a de preuve contre ça, c'est-à-dire cette chose-là elle est claire. Le cheikh il dit. Puis ensuite, c'est quoi le résultat ou le retour sur le comportement lorsque les gens étudient dans des écoles mixtes? Le cheikh dit c'est la tentation, le désordre, et personne n'en est épargné excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé, et aussi beaucoup d'offenses et de mal. Donc le musulman, il est ordonné de baisser son regard. De même que la femme musulmane est ordonnée de baisser son regard devant ce qui est haram. hein, et le fait de mélanger les garçons et les filles et de faire de la mixité dans les écoles n'aide pas à réaliser cet ordre-là, c'est-à-dire l'ordre de baisser le regard. Hein, tu ne peux pas le faire, parce que lorsque l'on est tous ensemble mélangés, garçons et filles, c'est certain qu'on ne peut pas baisser le regard. Donc le cheikh il dit ensuite, et c'est pour ça que les gens qui sont solides et forts dans leur religion et dans leur adoration, ils s'écartent et ils s'enfuient de ce genre d'école et ils les laissent. Il dit, et l'enseignement dans ces écoles-là, du moment qu'elles sont mixtes, eh bien, ça fait également partie de la fitna. Parce qu'il y a, dans beaucoup de ces pays-là, même certains de ces pays-là, la plupart des femmes sont dévoilées. Et elles exhibent leur parure et leur charme. Et elles n'ont aucune, elles donnent aucune importance à la pudeur et à la modestie et à la chasteté. Donc, il est obligatoire aux parents dans ces pays-là d'enlever leurs enfants des écoles mixtes. Hein? Donc, ça, c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là. Et c'est dommage que, parfois même dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, certains musulmans se mettent ensemble pour ouvrir des écoles musulmanes, mais au lieu de faire des écoles séparées, c'est-à-dire des écoles pour les garçons et pour les filles, ils font des écoles musulmanes mixtes. Déjà, yani, subhanallah, c'est comme s'ils veulent s'écarter d'un mal, le fait d'envoyer les enfants dans les écoles des kuffars, puis ils ramènent un autre mal à l'intérieur des écoles des musulmans, c'est-à-dire la mixité qui est haram. Donc si ils sont capables de les séparer, soit dans la classe ou dans l'école même, faire une partie de l'école pour les garçons, une partie de l'école pour les filles, hein, ou une partie de la classe pour les garçons, une partie de la classe pour les filles, en tout cas, le point c'est qu'il faut absolument séparer les garçons et les filles dans les écoles. Et ça c'est une obligation. Et même que les kuffars eux-mêmes, maintenant en ce moment, ils sont en train de faire des études, et même les études ont déjà été faites, et les résultats sont clairs, que les garçons et les filles ne se développent pas au même rythme, et ils ne se développent pas à la même vitesse, et que les garçons réussissent mieux, de même que les filles aussi, dans des écoles où les sexes sont séparés. Et dans les écoles où ils sont mélangés, eh bien, on voit les résultats sur le comportement et sur le caractère. Hein? Et n'importe qui, comme par exemple, comme moi par exemple, que j'ai grandi dans un pays où les écoles sont mixtes et j'ai traversé le système dans la mixité depuis l'enfance et j'ai vu et j'ai constaté des choses. Donc c'est pour dire qu'on est des témoins de ça. Et depuis la maternelle jusqu'à la sixième année, puis après, du secondaire, on voit les choses, et comme le cheikh l'a dit, personne n'est préservé de la fitna excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Donc c'est la vérité, parce que la majorité des jeunes dans ces écoles ont des idées et ont des pensées que un garçon avec une fille, que c'est normal pour eux d'avoir des relations, bien d'avoir un copain ou une copine, et des histoires de ce genre. Et parfois même, certains professeurs kuffars même supportent ce genre de choses-là, et même certains parents kuffars encouragent leurs enfants à ce genre de choses-là. Donc, c'est pour dire que pour eux, c'est normal. Hein? C'est comme accepté. Mais on sait très bien que dans l'islam, c'est pas comme ça. Et que ces choses-là sont interdites, hein, et que c'est des choses qui ouvrent la porte au zina, hein, à la perversité et à toutes sortes d'autres problèmes sociaux. Donc les kuffars, eux, parfois ils voient les problèmes, ils constatent les problèmes, ils font des recherches sur les problèmes, ils analysent les problèmes et on leur donne tous des rapports sur les situations et ils savent toute la situation en détail, du début jusqu'à la fin, avec les conséquences, les répercussions, les statistiques, les chiffres et tout, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils sont incapables d'arriver aux bonnes conclusions parce que, justement, ils s'aveuglent et refusent de voir la vérité en face et de prendre les décisions nécessaires selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et même, je me souviens, quand j'étais au secondaire, hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a toujours préservé et guidé par rapport à toutes sortes de fitanes, hein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été épargné de ces choses-là. Mais c'est pour dire, quand je parlais avec certains professeurs, et je leur disais, surtout quand on avait des cours d'éducation où ils apprennent aux étudiants des choses qui ont rapport avec la sexualité ou des choses comme ça, et ils encourageaient les enfants à prendre des préservatifs, des trucs comme ça pour qu'est-ce qui a rapport avec le zina et des choses comme ça. Et moi, quand je leur disais, ben, surtout qu'on était dans une école catholique, hein, ça c'était avant que je devienne musulman, et je leur disais, oui, mais comment ça se fait? J'ai dit, dans la Bible, c'est écrit que la fornication et l'adultère, c'est des choses interdites. Donc, comment, dans une école, vous dites que c'est une école catholique et que vous enseignez aux enfants d'utiliser des préservatifs? Et il y en a même qui encourageaient ou qui proposaient de mettre des distributrices dans les toilettes pour les enfants, pour acheter des préservatifs, pour encourager le zina. Donc c'est pour dire, non, mais on va pas leur... la professeure m'a répondu en disant, mais on va pas retourner en arrière et appeler les gens à l'abstinence. Puis j'ai dit, subhanallah, j'ai dit, pourquoi pas, hein? Mais c'est pour dire comment ces gens-là sont bornés et aveuglés, hein, surtout les laïcs et les kuffars, hein, lorsqu'ils ont des idées comme ça, hein, c'est comme pour ramener les gens à la bestialité et au mauvais comportement. Naam. Donc revenons à la question numéro 26. Maintenant, on va lire la question numéro 26. Et c'est l'avant-dernière question. Et naam. Le cheikh, on lui pose la question. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Yaqulu as-sa'il, ya cheikh, yakthuru 'indana fi biladina ahlul ma'asi alladhina yujahiruna bil ma'asi كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها من المعاصي فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق المسلمين إذ لم يخرجوا من دائرة الإسلام تأمل. Donc le cheikh il répond à cette question. Ok, la question c'est quoi? C'est puis je rappelle en même temps que les frères qui ont posé les questions sont du Maroc. Hein, sont du pays du Maroc, qui est un pays musulman. Donc, le cheikh, on lui a posé la question, et un cheikh, il y a beaucoup de gens dans nos pays qui font partie des gens des péchés et qui font des péchés publiquement ou ouvertement. Comme par exemple, de boire, plutôt, pas de boire, mais de fumer. Hein, parce qu'en arabe, on dit boire de la fumée. Hein, c'est ça ce qu'on appelle fumer. Quand les gens fument la cigarette ou n'importe quoi qui a de la fumée, ils appellent ça shurb ad-dukhan. Et si on traduisait ça littéralement, c'est comme si on disait de boire de la fumée. Hein? Donc, shurb ad-dukhan, c'est-à-dire fumer et écouter de la musique et d'autres péchés également. Donc, comment on doit interagir avec eux alors qu'ils font, alors qu'ils ont les droits des musulmans? Puisqu'ils ne sont pas sortis du cercle de l'islam. Alors, comment on doit agir avec eux dans cette situation-là, alors qu'ils ont des droits du fait qu'ils sont musulmans et qu'ils ne sont pas sortis du cercle de l'islam? Donc le cheikh il répond, il dit تأمل قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وتأمل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il dit, médite sur la parole suivante d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans sourate At-Tawbah, et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, et ils obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là sont ceux à qui Allah fera miséricorde. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et sage. Et également, médite sur le verset suivant. Et qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui invite au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc le cheikh il continue en disant « وَتَسْتَظْهِرْ أَنَّ وَاجِبَ هَؤُلَا عَلَيْنَا أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ثُمَّ أَضِفْ إِلَى الْآيَاتِ السَّابِقَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا قَوْلُهُ تَعَالَى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh il dit, et on voit donc que notre, dans ces versets, que notre obligation, il y a une obligation qui est sur nous par rapport à eux, c'est de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Et on ajoute à ces versets précédents ce qui vient comme signification de ces versets-là dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il la change par sa main. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa main, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer par sa langue, alors qu'il le change par son cœur. Et cela est le plus faible des niveaux de la foi, le plus faible de la foi. » Le cheikh il dit وتستظهر كذلك ان مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث. Il dit également tu dois comprendre aussi que les degrés de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal sont de 3 degrés. الاولى إزالة المنكر باليد وهذا في حق من له قدر عليه قدر عليه ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر منه وهذه ذكر أهل العلم أنها أو هذه ذكر أهل العلم أنها في حق الإمام ونوابه وكذلك الرجل في أهل بيته ومن له عليهم ميانة Donc le premier degré, c'est de changer le mal par la force, hein, par la force ou par la main. Et ça, c'est à propos de, ou c'est par rapport à la personne qui a un droit, hein, par rapport au droit de la personne qui a une autorité ou qui a un pouvoir, et que le fait de changer le mal de sa part ne va pas causer un mal plus grand que celui qu'on veut enlever. Hein? Donc il dit comme par exemple quelqu'un qui fait partie, il dit, les savants ont mentionné parmi cette catégorie là les gens qui ont une autorité comme le dirigeant ou ses responsables ou ses représentants, comme par exemple les dirigeants, les responsables et les gens qui représentent l'autorité dans le pays comme les policiers et ainsi de suite. Ceux-là ont cette autorité-là et cette force, donc ils peuvent changer le mal par la main sans que ça crée de conséquences ou de problèmes plus grands. Et il dit de même que l'homme dans sa famille, c'est-à-dire le chef de la famille, le père, il a l'autorité, ou la mère par exemple sur ses enfants, elle a l'autorité de changer un mal par la force dans sa maison. Toutefois, ça c'est lorsqu'ils sont capables de changer par la main, ils changent par la main, hein? Mais si ça ramène un mal plus grand, ils ne doivent pas le faire, ils ne doivent pas changer le mal. Et ça c'est ce qui distingue le manhaj des gens de la sunna du manhaj des gens de la bid'ah. C'est que beaucoup d'entre eux, ils pensent que de changer le mal par la main, c'est de façon absolue, peu importe les conséquences, C'est-à-dire que ça ramène un plus grand mal ou non, c'est pas grave pour eux. Hein? Il faut changer le mal de toutes les manières, dans toutes les circonstances, sans tenir compte de la sagesse. Et donc, par exemple, ils voient qu'un dirigeant fait une injustice ou un péché, donc ils disent, il faut changer le mal. Et ils vont changer le mal par la force, et ils appellent les gens à se rebeller ou révolter contre ce dirigeant-là. Et ça, c'est, hein, comme on le sait, c'est le manhaj des Khawarij et des Mu'tazila, et c'est contraire à la voie d'Ahl-Sunnah, et c'est contraire aux textes qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunnah. Donc, c'est quelque chose qui est mauvais, qui ramène un plus grand mal, et donc il faut s'en abstenir. Il donne également un autre, après il parle d'un autre degré, as-saniya at-taghyir bil-lisan, c'est-à-dire de changer le mal par la langue. Et il dit wa hadha bayanuha fi qawlihi ta'ala wad'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal-maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan. وهذا لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الأمر والنهي بما أتاهم الله من الحكمة والفقه في دينه ويبينون للناس الحق ويدعونهم إليه وكذلك يبينون الباطل الذي يعيش في البلد أو القطر ويبينون أنه Bâtilun bid-dalil, wa yuhadhdhirun an-nasa minhu. Donc le cheikh il dit, le deuxième degré c'est de changer le mal par la langue, et c'est de la clarifier, c'est de clarifier le mal. C'est-à-dire comme dans, c'est clarifié dans le verset suivant. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, invite au chemin de ton Seigneur ou à la voie de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation, et argumente avec eux de la meilleure manière. Et ça, c'est pour les hommes de science, ceux qui savent comment expliquer les choses comme il faut et clarifier les choses, et qui savent comme il faut, et qui savent comment ordonner le bien et interdire le mal de la bonne manière, avec la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, et avec la compréhension qu'ils ont de la religion. Donc ils clarifient pour les gens la vérité et ils les invitent à la vérité. De même qu'ils clarifient aussi pour les gens la fausseté, hein, qui est répandue ou qui est diffusée dans le pays ou dans la contrée où ils sont. Et ils clarifient ce qui est faux avec la preuve, et ils avertissent les gens contre cette fausseté-là. Le troisième degré, il dit at-taghyir bil-qalb, وهي البعد عن المعاصي وأهلها. Donc il dit, le troisième degré c'est de changer le mal par le cœur, c'est-à-dire d'être loin des péchés et des gens du péché. وهنا ننبه إلى أن بعض المتكلمين يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويسيئون من حيث يريدون الإحسان لجهلهم في نصوص الشرع وقلة فقههم بالمصالح والمفاسد. فالمعاصي ما خلا منها بلد بل المعاصي وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد شيء من المعاصي في عصر الصحابة ولكن كيف كان علاجها أولا. Donc le cheikh il va énumérer des exemples. Il dit, il y a une chose qu'il faut clarifier, et ça c'est très important, parce qu'il y a des gens, ils font du désordre en pensant qu'ils font du bien, et ils font du mal en pensant qu'ils ramènent du bon, quelque chose de bon, à cause de leur ignorance des textes de la révélation et de la religion, et à cause de leur peu de compréhension des bienfaits et des méfaits. Et il dit qu'il faut savoir que les péchés, premièrement, il y en a dans tous les pays. Il n'y a pas un pays excepté qu'il y a des péchés dedans. Et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a trouvé des péchés qui ont été commis à cette époque-là, et même on a trouvé certains péchés également à l'époque des sahaba. Donc la question c'est pas est-ce qu'il y aura des péchés ou non, la question c'est comment on fait pour remédier à ces péchés-là lorsqu'ils se produisent. Parce que, comme on l'explique souvent, c'est pas parce qu'on va établir un pays musulman ou parce que c'est un pays musulman, qu'il n'y aura plus de péché. Il y a des gens qui ont cette idée-là dans leur tête. Ils pensent qu'un pays musulman, c'est un pays parfait où il n'y a que des êtres humains qui obéissent à 100% à Allah et qui ne tombent jamais dans un péché. Et ça, c'est de l'ignorance. Hein? C'est de l'ignorance, c'est pas vrai. C'est pas un pays, le pays musulman, c'est pas un pays où il n'y a plus de péché, mais c'est un pays où, lorsque le péché se produit, eh bien, on remédie à ces péchés-là de la manière islamique et d'une manière qui est en accord avec le Coran et la Sunna et en accord avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça un pays musulman. Donc, le cheikh, il donne des points. Il dit, premièrement, أولاً عندنا في كثير من البلدان في كثير من البلدان العالم الذي يحسن البيان ويجلي ما هو حلال وما هو حرام مستندا في بيانه إلى الكتاب والسنة لا يستنكر عليه أحد أبدا ونحن جهدنا في النصح في النصح لعباد الله ونحن جهدنا في النصح لعباد الله وهذا النصح الذي يثمر له صور. Donc il dit, premièrement, nous avons beaucoup de dans beaucoup de pays il y a un savant, il y a des savants qui savent clarifier et expliquer les choses et qui expliquent pour les gens qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram en se référant dans son explication au livre, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Et il n'y a personne qui va reprocher aux savants de faire ça. Hein? Et nous, on fait nos efforts dans ce chemin-là pour donner le bon conseil aux musulmans et aux serviteurs d'Allah par rapport à ces questions-là. Il dit, et ces conseils qu'on donne aux musulmans par rapport à ces choses-là a comme fruit les choses suivantes. Ou bien ces conseils-là qu'on donne aux musulmans par les choses suivantes. منها الخطب التي تقرر أصول الدين وقواعده الكلية وضمن ذلك التحذير من البدع والمعاصي وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع. Donc il dit, parmi les éléments que les ulama utilisent pour clarifier le halal et le haram et le bien, il y a les discours, les prêches, comme la Jumu'a, les khutab de Jumu'a par exemple. Il dit, ça c'est des choses dans lesquelles on confirme et on établit les fondements de la religion et les règles générales de l'islam. Et il y a parmi ces éléments-là, il y a par exemple le fait de mettre en garde contre les innovations et les péchés, et la clarification de leurs dangers sur l'individu et sur la société en général. Ensuite, le cheikh il dit, et parmi ces exemples-là aussi, il y a les durus. الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم لتبصير الناس بالفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. Donc le cheikh il dit, parmi les éléments qui sont faits par les ulama pour clarifier les choses de la religion, il y a les exemples des cours qui sont donnés par les imams dans les mosquées pour expliquer et clarifier aux gens la religion d'Allah et la compréhension de la religion basée sur le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et il dit, et parmi ces exemples et ces éléments-là aussi, il y a الدعوة, الدعات المصلحون الذين يزورون المساجد لإلقاء المواعظ والمحاضرات متضمنة حض الناس على كل ما هو طاعة واجبا كان أو مستحبا. Donc le cheikh il dit, parmi les éléments il y a aussi le fait de il y a aussi le fait qu'il y a des prêcheurs qui font la réforme, ok, et ceux-là qu'est-ce qu'ils font, ils visitent les différentes mosquées pour faire des conférences et des exhortations et pour inciter les gens à l'obéissance d'Allah. Yani, peu importe que ce soit des choses qui font partie des obligations ou des choses recommandées dans la religion. Donc ils incitent les gens à ça. Et il dit وَأَعْظَمُ مَا يُرَكَّزَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ التَّوْحِيدِ. Et là, il dit le cheikh que la chose la plus importante sur laquelle ceux-là, c'est-à-dire les ulama, les prêcheurs et ainsi de suite, la chose sur laquelle ils concentrent leur effort le plus, parmi les obligations, c'est, bien entendu, c'est le tawhid, le rappel et l'enseignement du tawhid. Il dit وَكَمَا أَنَّهُمْ كَذَلِكَ يُحَذِّرُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِ وَأَعْظَمُ مَا يُحَذِّرُونَ مِنْهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Donc il dit de même qu'ils mettent en garde contre tous les péchés, mais le plus grand de ce contre quoi ils mettent en garde, c'est le fait de faire le shirk avec Allah, parce que c'est ça le plus grand péché. Il dit فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي فإن العلم هو الذي يربي الناس قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc la science c'est celle qui éduque les hommes, et comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il dit ومعنى يفقهه في الدين يعني يبصره فيه ويرزقه المعرفة فيعرف حق الله وحق نفسه وحق عباد الله. Donc le cheikh il dit la signification de lui donner la compréhension dans la religion, c'est de lui donner la clairvoyance, de lui donner la connaissance, et il est capable par la suite donc de connaître le droit d'Allah sur lui et le droit qu'il a lui-même et le droit des serviteurs d'Allah. Il dit ensuite وهذا الحديث دليل صريح على أن سبيل الخيرية سبيل واحد لا غير وهو الفقه في دين الله هذا منطوق الحديث. Donc le cheikh il dit que ce hadith là est une preuve claire et explicite au sujet de la voie du bien, et que c'est une voie unique et qu'il n'y a pas d'autre voie pour le bien, et c'est-à-dire que cette voie là c'est la voie de la compréhension de la religion d'Allah, et ça c'est ce qui est dit directement et explicitement dans le hadith en question. Il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. Donc le cheikh il explique que شيخ الإسلام ابن تيمية ou bien d'autres parmi les hommes de science ont mentionné que la compréhension de ce hadith là dans son sens indirect, c'est que celui pour qui Allah ne veut pas du bien, eh bien, Allah ne lui donne pas la compréhension de la religion. Donc le cheikh il dit وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَسَيُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهُ وَيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dessus sur toute chose, et il va faire vivre celui qui vit sur la preuve, et celui qui périt, il va le faire périr sur la preuve également. Dans le sens que celui qui périt, il périt une fois que la preuve a été établie contre lui, et celui qui est sauvé, il est sauvé une fois que la preuve est établie contre lui, hein, et il n'y a personne qui va être opprimé ou à qui on va faire de l'injustice par rapport à qu'est-ce qu'il doit suivre. Et il dit فَإِذَا قَامَ النَّاصِحُونَ لِعِبَادِ اللَّهِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ نُصْحِ الْعِبَادِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمْ بأداء ما يقدرون عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. Donc le cheikh il dit que si les gens qui sont sincères, qui donnent le bon conseil aux serviteurs d'Allah, se lèvent et se tiennent par rapport à qu'est-ce qui est obligatoire sur eux, et ils font leur devoir de donner le bon conseil aux serviteurs d'Allah de la manière correcte, alors dans ce cas-là, ils ont rempli leurs devoirs et leurs obligations en faisant ce qu'ils font, en donnant le bon conseil, en faisant ce qu'ils peuvent, et Allah ne met pas sur une âme une charge qu'elle ne peut pas supporter ou qu'elle ne peut pas porter. Et donc, le cheikh, il termine ce point-là avec cette question-là. Il dit Allahu A'lam. Et le cheikh, il répond maintenant à la dernière question qui est très courte. La question c'est la suivante. Jazakumullahu khayran, ahsan Allah wa ahsan Allah ilaykum yaqulu sa'il. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سمعنا كلاما من بعض المشايخ من أهل السنة يقولون هذا الرجل من أهل البدع هل يفهم أنه مبتدع أم لا جزاكم الله خيرا non donc on a posé la question au cheikh on lui dit nous avons entendu une parole de certains parmi les shuyukh de أهل السنة et ils ont dit par exemple un tel fait partie des gens de bid'a. Est-ce qu'on doit comprendre par là que c'est un mubtadi', c'est-à-dire un innovateur, ou non? Que Allah vous récompense en mieux. Et le cheikh il dit, أقول حسب علمي أن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان. Donc le cheikh il dit, selon ma connaissance, cette phrase chez les gens de la Sunna, elle peut avoir deux utilisations. أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند فأبى إلا الانحراف عرف السنة وأبى إلا البدعة ركب البدعة عن معرفة أنها بدعة. Donc le cheikh il dit la première utilisation de dire par exemple des gens de bid'a, c'est qu'est-ce qui est utilisé en majorité dans le sens dans lequel on l'utilise en général, c'est que c'est pour l'innovateur, c'est-à-dire celui qui a connu la vérité et qui a fait preuve d'orgueil et d'arrogance et qui a refusé de suivre autre chose que la déviation. Il a connu la sunna, mais il refuse de suivre autre chose que la bid'a. Hein? Et il est monté sur la bid'a avec connaissance que c'est une bid'a. Donc ça, c'est le premier cas dans le sens général, hein, que toute personne qui qu'on dit à son sujet qu'il est parmi les gens de bid'a, c'est-à-dire un mubtadi', c'est-à-dire un innovateur. Il dit wal akhar al itlaq al akhar annahum yutliqunaha lil zajar wal ma'na an hadha al insan sahib bid'a ya'ni annahu ya'ti bi bid'a wa in lam yakun huwa mubtadi'an fa inna mimma 'arafnahu من منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ويقوم الدليل على أنه مبتدع والله أعلم. Donc le cheikh il dit, et l'autre utilisation ou l'autre emploi de ce terme, il l'utilise dans le but de, يعني de, comme c'est pour réprimander ou blâmer cette personne. Hein, c'est dans le sens que on dit de cette personne qu'elle est une personne qui a des bid'as, c'est-à-dire elle fait des bid'as, hein, et même si on ne dit pas d'elle qu'elle est mubtadi', hein, parce que qu'est-ce qu'on sait du manhaj d'Ahl Sunna, c'est que les gens de la Sunna ne vont pas déclarer quelqu'un comme étant mubtadi', hein, excepté, hein, on ne va pas déclarer un individu en particulier comme étant mubtadi' jusqu'à ce qu'on ait établi sur lui la preuve du message et qu'on ait établi la preuve contre cette personne que c'est un mubtadi'. Et là, après, on va dire de cette personne qu'elle est mubtadi'. Mais ça, ce n'est pas l'utilisation qui est majoritaire. Hein. C'est l'utilisation qui est utilisée par certains parfois. Donc, c'est ce qui vient conclure le livre en question. Donc, on va s'arrêter ici. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau livre du cheikh Bazmoul, Ahmed Bazmoul. Donc, je vous donnerai le titre samedi prochain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.